Moi j'ai fait. Je sais pas si Myriam a j'ai fait un article. J'ai fait un article sur moi j'arrive sur la musique. Une annonce. 180. J'ai posté une annonce sur le magazine, si tu veux. Et j'ai dit s'il y avait des possibilités d'avoir des karaokés. Oh, mais je sais pas rien, il y a des disques, j'ai vu des platines, il y a des karaokés. Chez eux, ils ont beaucoup de choses. C'est comme à Goupillot, ils ont beaucoup de choses. Les saphirs, ils sont dans des. Mais on n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas le droit de fouiller les tiroirs, les saphirs et tout ça. Ça veut dire que les saphirs, ils ont pas, donc ils sont obligés de les commander. Ils sont obligés de les commander plusieurs pays étrangers, quoi. Où, par exemple ? Ben, soit des pays étrangers, en Suisse, on peut trouver des diamants partout dans toute la France. En Espagne, il y en a ? Oh oui, il y en a des appareils qui sont faits en Espagne, il y en a qui sont faits... les brantes, je ne sais pas comment ils sont faits, mais bon, ils sont faits dans des pays étrangers. Tout ce que tu trouves maintenant, Sony, Philips et tout ça, tu peux trouver des saphirs, mais il faut les commander. Et quelqu'un, c'est qui ? Il faut les commander. Sur catalogue ? Voilà, mais c'est des catalogues exprès. Ah bon ? C'est pas des catalogues avec les appareils. Tu as des catalogues avec les appareils. Mais moi, je sais que pour chercher un électrophone, je ne l'ai pas trouvé chez Sardaigne. J'étais obligé d'aller dans une brocante. Quoi ? Fouiller un petit peu pour trouver. Ah bon ? Pourquoi ? Heureusement que je suis tombé sur un monsieur qui m'a dit « Monsieur Besson, vous avez un tourne-disque pour vous. » J'étais obligé de changer l'aiguille parce que le saphir était usé. Mais comme j'en ai usé beaucoup, j'étais obligé de les commander. Parce qu'ils n'avaient pas de saphir et puis ils n'avaient pas de diamant. Et le bras, il était bon ? Oh oui, mais bon, c'est ces appareils qui sont faits dans des pays. Hein. Les appareils qui sont faits dans des pays. Par exemple, votre platine que vous aviez là, elle est faite dans un pays étranger. Mmh. Elle est faite, celle-là, cette platine, elle est faite à Tahiti. Pardon, excuse-moi. Ouais. Je sais pas ce que j'ai. Excuse-moi. Je vous le dis comme ça parce que je connais, j'ai vu sur un catalogue la même platine que vous. Elle est faite en. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Tahiti. Elle est faite en Tahiti. Eh oui. Parce que les platines comme ça, maintenant, on n'en trouve plus beaucoup. On trouve maintenant des platines laser, des. Il y a des mini CD, je ne sais pas si tu as connu ça. On a vu des mini CD. C'est des boîtes, mais c'est les CD qui ne sortent pas de la boîte. Ça nous apporte quelque chose. Oui, ils font des genres de choses. C'est tout petit. Mmh. C'est des tout petits disques. Des mini disques. Mini disques. Je ne sais pas si tu as connu ça. Francis, il n'en a peut-être pas. Autre chose ou ça va ? Mais si tu veux, les diamants, je suis obligé de téléphoner. On a une sardine, tu es obligé de commander les saphirs. Sardine ? Ouais, un magasin de télé qui commande les saphirs. Ouais. Parce qu'il les a pas, il les a pas en réserve. Donc alors ce qu'il fait, comme le saphir que j'ai, il vient de loin. D'où ? Il vient de Bayonne. Ah ouais ? Oui, il vient de Bayonne. Parce que c'est une platine qui a été faite à Bayonne. Ah d'accord. Qui a été faite à Bayonne. Et c'est une platine qui a été faite à Bayonne. Ils sont obligés de commander les saphirs là-bas ? Oui, parce qu'ils n'en trouvent pas en... Une fois j'avais acheté un saphir, mais j'ai trouvé la marque. Mais bon, c'est trop cher, ça vaut. Tu sais combien ça vaut ? J'ai envie d'en connaître le prix. Ça vaut presque 200 francs. Hein. Mm-hmm. Ça vaut 180 francs. Faut compter rien qu'un diamant. Hein. Rien qu'un diamant, faut compter 180 francs. Et les bras, t'en trouves les bras ? Oh, ben chez Sardin, il y a des tourne-disques. J'ai vu des platines, mais c'est compliqué parce que. Chez eux, ils ont beaucoup de choses. Et si j'étais encore à Randodan, je vous chanterais des chansons pour que vous puissiez avoir des chansons, chanter le cœur. Parce que quand on chante le cœur. On fait chanter le corps. Mais je n'ai pas compris ce que tu disais, en fait. C'est bien chanter parce que ça fait du bien par... le corps, ça lui fait du bien de se développer un petit peu avec les chansons. Ouais. De chanter pour tout le monde. Oui, je comprends. Et moi, j'ai fait... cette semaine, j'ai fait un article. J'ai fait un article sur les profs de mathématiques sur la musique. Alors, quel est le fruit de ta réflexion ? J'ai fait des trucs... j'ai regardé sur une annonce. D'accord. J'ai posté une annonce sur un magazine, si tu veux. Alors, je voudrais savoir ce que ça a créé dans ta tête. Et j'ai dit s'il y avait des possibilités d'avoir des karaokés. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a que... Pour le moment, je trouve, ça n'engage que moi, qu'il leur manque un vrai discours. Ça, ce qu'on a fait avec Joanne en l'an 2000... On a chanté une chorale avec les autres et tout ça, la chorale de Sainte. Et ben on a fait un disque normal, mais aussi on peut le trouver en cassette. Il y aura des cassettes aussi. C'est la version du disque ? Il y aura en cassette. Il n'y aura pas qu'en disque. On l'a fait à l'an 2000. Mm-hmm. On a fait un disque normal à l'an 2000. Mais c'est pas encore sorti, ça. Ça va sortir pendant quelques temps. D'accord. Ces disques-là. Vous êtes des cons, les deux. Ça, c'est bien. Alors. Et sur la pochette, vous verrez Thierry Besson et vous verrez Thierry Besson avec son accordéon avec Joanne. Mm-hmm. Tarriol, il s'appelle Monsieur Tarriol. Le prof de chorale s'appelle Monsieur Tarriol. Attends, je t'explique. Hein. Je n'en ai rien à foutre de ce que tu penses, de ça. D'accord ? Je sais pas si Mireille a entendu parler de Monsieur Tarriol. On s'en fout de ce que tu penses. Monsieur Tarriol. J'ai entendu. Quand je fais quelque chose, ça me fatigue. Je sais pas pourquoi. Ça me fatigue. Ah ouais. Même que j'écoute de la musique, ça me fatigue. Mais ce n'est pas grave, c'est que c'est normal que tu ne comprennes pas tout. Je suis un artiste de randodan, un ancien artiste de randodan. Quand je mettais des blouses blanches ici. Oh là là. Je ne sais pas si tu étais quand j'ai mis une blouse blanche ici. Non, moi je ne t'ai pas. Ça me fait rire, moi. C'est important de se poser des questions. Et demain, je vais vous chanter des chansons que j'ai connues. Quand on se pose des questions, on sait mieux où on en est, soi. Des chansons de Charlotte Trenet, des chansons italiennes, des chansons un petit peu variées. Alors demain, je vous chanterai des chansons variées. Et il faut être obligé de les deviner, les chansons que je vais vous chanter. Je vous chanterai aussi Notre Père, qui est aux cieux. Je vous le chanterai, ça aussi. Il y a ça, on peut il y a plusieurs chansons. Des chansons de Florent Pagny, bon, ça... On peut même faire des groupes de chorale. Des groupes de chorale, des groupes de chorale, des groupes de chorale, des groupes de chorale, des groupes de chorale. On peut faire des groupes. Soit chanter avec les sopranos, les altis ou les basses et tout ça. On peut chanter avec les ténors aussi. Eh oui, regardez là, regardez. Appuyez là-bas. Non, ça, Malusquita, voilà. L'agne, non, c'est là. La chi de Marcuta, non c'est mon c'est là. Bossa Malusquita, l'agne non c'est là. La chi de Marcuta, non c'est mon c'est là. Bossa Nanima, de Matasima, so mio. Je connais Joyeux anniversaire aussi. Joyeux anniversaire, au temps des années sincères, quand de l'infini, ton monde nous se réunit. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Il y a ça, on peut chanter aussi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la java bleue. Il revient à ma mémoire les souvenirs familiers. Je revois ma cousine et j'étais oublié. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix. Les enfants ne sont pas parole, vieille chanson d'autrefois. Douce France, le chevalier de la lune, on avançait en temps d'une. C'est la basse brune, mon bonheur, le chevalier de la lune. On a vendu la pendule, on sent que je t'aime. Il y a ça, oh, ma joie ou la douleur. Il y en a plusieurs, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je partageais dans mon cœur.